Yeah. Oh. Si tu reproches à tes gars, fais ça. Que le dirty repose en paix sur un bon sang de Green Reapers. Prends ta claque, l'ami. Yeah. Écoute. Yeah. Allons enfants de la patrie usés, désabusés. Le combat continuera que l'on soit ou pas diffusé. Beaucoup d'abnégation, fuck leurs fausses équations. Pas d'autre choix que croire en soi, c'est encore mieux de toute façon. Attitude passionnée à l'égard de la zig. Elle exprime nos joies comme nos moments tragiques. J'apprivoise mes blessures, j'apprends à vivre avec. Bon nombre d'entre nous se consument comme F car rien n'arrête. Théâtre des amertumes, poète des temps modernes. Destiné à brûler pour illuminer notre siècle. Héritage du passé aux promesses d'un futur proche. En avance en roue libre avant que le destin nous fauche. En roue libre, depuis que les bidons tiennent le guidon. En équilibre sur un puits entre les hyènes et cupidons. Entre calibres, fleurs et plumes. Mène mon affaire, me démène depuis qu'il défère mes frères. Les heures de pleine lune, le haut débat sur des pratiques. Fais des lois pour du tissu, mon compte en de l'issue. Moi j'abats mes cartes et cantiques, c'est du bon temps que l'on cantine. Muré à fiel ouvert, écarté du trône ma routine. C'est muet en un ciel tout vert. En une tout grâce à gerber mon verbe dans l'arène, à faune acerbe sur leurs sirènes. Leurs atouts n'ont pas de grâce, c'est des bâtons qu'on veut nous mettre. Porte des rimes étoilées, même à tâtons la roue voilée, les exportes du périmètre. Je ne ferai qu'une prise, lâche prise, garde celle-ci, quoi qu'il en soit. Vire les barrières et les manières qui se marient sous le silence, soit on calcule. Pense à la retenue speed ou freine, il n'y a jamais de règle. En fait, on fait selon les choses, si elles doivent se faire, se font. La boussole aux quatre vents, la course folle ou mon chaland, veillant à ce que rien ne ralentisse. Speed au rythme de croyard, brinque-balle en kiff. La roule ivre quand l'autre pangale, même s'il n'est pas apeuré. Plus de 20 années à peuraille quand y'a un mic, on veut s'accaparer. En pleine descente ou ascension, on attend la consécration ou l'ascension. Tant que le son tourne, la roue tourne, tu connais la chanson. Allô, when tu smart, encore un feat, c'est pas que je veux pas, j'ai pas trop le temps, ça se fera ou pas, mais si merde pour l'invite. Je rappe sincère, mec, pas pour la longue conquête monétaire. T'es plongé, vu dans la vie, faut être un lutteur. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Des rappeurs à francs deux qui n'arrivent pas à faire passer le message. Je rappe sincère, mec, pas pour la longue conquête monétaire. T'es plongé, faut être un lutteur. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Des rappeurs à francs deux qui n'arrivent pas à faire passer le message. Ce qui a répondu, j'attends encore avec une patience sans limite. Je vois mon reflet, je vois mon refrain, mais toujours sans limiter. Je vois sombre à force d'allumer ta lanterne. Jamais à l'antenne, les talents termes qui la squattent à long terme. On me dit rebelle comme un gosse qui n'écoute pas son maître. Et je fais du son depuis que j'ai vu une passion naître. Je reste pisse depuis que je tisse la veille. Je suis encore en vie alors putain, ouais, c'est vrai que je kiffe ma veine. J'ai plus la tasse à force de squatter le fond. J'ai plus ma place, tu sais, à force de taper le son. Ça cogite sec, mais le rap n'est qu'un mystère. Le cul entre deux chaises, comme choisir entre Stark et la mystère. Je suis en roue libre depuis longtemps, mais le temps commence à manquer. L'espoir est faible, on ne fait que se lamenter. Certains font de l'argent, pendant qu'on reste accommodé. Je sais que c'est rageant, et j'évite de commenter. Je suis en roue libre, sur ma chambre, trop de fuite à colmater. Tout le monde se ressemble, leurs esprits sont formatés. Je poursuis ma route sans écouter le qu'en dira-t-on. La vie n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon, c'est vrai. Depuis un moment, on a moins l'occasion de se voir. L'époque est loin, où on se retrouvait toujours au square. Le son m'a pas mis à l'abri, pourtant j'ai pas baissé les bras. Depuis tout petit, j'ai compris que je durerais pas comme un joint d'ailleurs. Mon avenir a sauté la falaise et j'ai sauté pour le rattraper. Tout ce temps passé à gratter toutes ces prods qu'on n'a pas tâtées. Oui, je sais, je me suis trompé, mais l'erreur est humaine et rien ne vaut le vécu. Donc laisse-moi faire, on en reparle après. Le temps nous est compté, chaque jour qui passe c'est du bonus. On s'enferme dans un quotidien parce qu'on a peur de l'inconnu. À perdre, on s'est résolu, en roue libre depuis Pollux. Freiné par les démons qu'on s'est créés, on se pollue, on évolue sans trop savoir où on va. Et c'est les larmes de ceux que tu aimes qui font déborder ton vase. Les cris ne suffisent pas pour que de ces péchés on se décharge. Désire ce que tu possèdes déjà quand le chétan te fait du charme. En roue libre, je dévale la pente de mon hip hop, hop. Comme chez moi, je m'y sens bien, c'est mon ami, c'est mon vrai pote. Avec les charlets, les kicks, les snares, déjà 20 ans qu'on traficote. Et bien plus qu'une simple histoire de musique, ça fait partie de nous, c'est une éthique. Oui, quand le rap de fric au pic au picote, les oreilles deviennent toutes ballottes. Le temps passe et la vie, on la sirote. J'ai dingué depuis longtemps, toujours en révolte. Trône, baisse le son que je chuchote. J'ai encore du gros son sur le feu. Mais qui c'est, mijote. C'est pour l'amour de cette musique que j'ai lâché le cartable. Ma musique a l'air triste. Pour me défoncer la mâchoire, pour m'empêcher de parler sur instrumental. C'est pour l'amour de cette musique que j'ai lâché le cartable. Pour me défoncer la mâchoire, pour m'empêcher de parler sur instrumental. Welcome to the game of Crow.